France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. Quel témoignage touchant avons-nous entendu hier ? Le premier épisode du documentaire « Histoire de femmes, histoire de fils » nous offrait des voix de lissières, de leur passion pour la couture, les fils, les broches, boucles de coton et ciseaux courbes. Dans les ateliers de l'ODEV, nous avons assisté à un tombé de métier, un tapis de 5 mètres sur 4 composé de 69 couleurs, plus le noir, et appris ce qu'était un nœud de savonnerie et comment créer le velours qui donne l'épaisseur du tapis. Si vous ignorez ces détails, foncez podcaster le premier épisode, après l'écoute de celui d'aujourd'hui, sur le site de France Culture. Franck Cuvelier et Véronique Samuilov nous emmènent aujourd'hui dans un autre atelier, à Alençon, ancienne cité des Ducs, qui doit sa renommée internationale à sa dentelle. Ah, c'est les clés. Histoire de fils et de femmes. Deuxième partie, Dentelière de la mémoire. Un documentaire de Franck Cuvelier, réalisé par Véronique Samuilov. Voilà une histoire qui ne tient qu'à un fil. Un fil seul et une aiguille. Des mains aussi, pour broder la dentelle au point d'Alençon, la plus fine qui soit. Si complexe qu'aucun manuel n'existe, qu'aucun métier mécanique n'a jamais pu la reproduire. On travaille du matin pour s'échauffer, ouvrir les volets. Huit femmes seulement en qui tout réside pour que ne tombe pas dans l'oubli cette dentelle. Huit ouvrières d'État dans l'oreille de qui la nation chuchote. Continuez, n'oubliez rien, formez des disciples et transmettez-leur vos secrets. Alors elles arrivent à l'atelier, tôt le matin, en bonnes ouvrières. Vous attaquez tout de suite ? Oui, là ça y est, je m'y mets. Je vais travailler en binôme avec Véronique sur le tapis de Freud en dentelle. Je vais finir ma trace et je vais peut-être commencer à travailler mon fil d'argent en fin de matinée. Voilà. Je vais m'installer. Maria, Dominique et Valérie, trois dentelières. Chacune a un coin de cette grande table qui doit faire presque 10 mètres de long. Et puis elles imposent quelque chose, c'est le silence. On n'ose ni trop bouger, ni trop parler. Alors chacune une boîte à coudre un fil. Une petite pièce de tissu sur laquelle est posé un morceau de dentelle en cours. Moi, la première fois que j'ai pris une aiguille, je la sentais pas. Parce que c'est des aiguilles numéro 12. Et je dis, mince, je vais jamais pouvoir travailler avec ça. Le fil, je le sentais pas. D'ailleurs, ça cassait assez souvent. Jusqu'à temps que je trouve... le geste pour tendre mais pas casser et connaître la souplesse du geste. Quoi. Est-ce que vous pouvez me parler des points de dentelle qui vous passent par les mains ? Vous avez des cristaux, les hauts bouclés, les écailles, le Saint-Esprit... les Venises. Le point que j'aime beaucoup faire, en fait, ce sont les remplis. Les remplis, donc, c'est ce qui fait cette masse la plus blanche. Et il y a aussi quelques petites variantes dans le rempli, comme le point à trous. C'est-à-dire que là, vraiment, on doit compter nos mailles et donc faire des petites portes, des petits espaces. On va sauter des mailles. Et c'est vrai que là, ça demande visuellement un gros effort. Et une régularité aussi qui doit être très nette. À un ophtalmo, j'avais présenté ma dentelle. Elle m'a dit « C'est comme si vous travailliez dans des froids extrêmes, donc il faut absolument protéger vos yeux. » Elle m'a demandé « Mais parfois vous vous arrêtez ?» Et je lui ai dit que non, on ne s'arrêtait pas. Nous sommes complètement emmenés dans la dentelle. Et on a envie d'avancer sur notre dentelle. On a envie de la voir se former, de la voir vivre et de la lever jusqu'à ce qu'elle soit présentée. Et puis le silence se fait, sans que personne ne le décide. Les yeux des dentelières plongent dans des petits carrés de feutrine vert où se nichent des embryons de dentelle, oubliant le monde. Il faut quitter l'atelier lumineux. Dehors, depuis la cour pavée, il brille encore comme une boîte à lumière. Quelques pas, et voici l'entrée d'un couloir obscur. Johanna, d'une voix fluette, nous invite à entrer. Tout n'est pas allumé aujourd'hui, parce que j'essaye de limiter l'exposition à la lumière au maximum, parce que les dentelles, ben, surexposées, à force, on les grille, et elles tombent en poudre, et après, on n'a plus rien à conserver. Pour le commencement, il y a deux possibilités. Soit on se met à côté de Colbert, soit on va directement aux dentelles italiennes parce qu'elles sont à l'origine de tout. C'est comme vous voulez. Ah bah allons à l'origine de tout. Allons à l'origine de tout. Le point d'Alençon a toujours été associé à une idée de prestige. Et où est-ce qu'on la trouvait sur le corps des hommes et le corps des femmes ? Alors la dentelle, c'est un accessoire du vêtement, donc on a énormément de pièces de points qui vont autour du cou, alors le décolleté des femmes ou le torse des hommes. Autour des poignets aussi, vous avez énormément de travail en dentelle. Il faut imaginer un grand geste qui vient comme ça être souligné par une cascade de dentelle, c'est quand même déjà beaucoup plus élégant, hein, beaucoup plus raffiné. Pour le costume à proprement parler féminin, on en retrouve aussi énormément au niveau de la jupe et de tous les accessoires au XVIIIe, au XIXe siècle, les ombrelles, les éventails, les mouchoirs en dentelle, voilà. Progressivement, la dentelle envahit, quitte à presque saturer le costume. Comment ça commence alors cette histoire ? On attribue à la péninsule italienne l'invention de la dentelle telle qu'on peut la caractériser, c'est-à-dire un tissu extrêmement léger, composé de beaucoup de jours. Et donc le punto in aire d'Italie, 16e siècle, ça va donner naissance à une production importante assez rapidement et surtout une production qui va être enviée à travers toute l'Europe. Et pour laquelle la noblesse française, on ne va pas faire exception à la règle, va chercher à acquérir énormément de pièces de dentelle. Ça va représenter une dimension économique qu'on n'arrive pas à se représenter aujourd'hui. Hein. C'est des fortunes qui se jouent pour un costume complet, assorti, avec un col, des manchettes, voilà, d'autres éléments comme ça d'ornementation du costume. Ça correspond à des fuites de capitaux, à une hémorragie de capitaux vers l'étranger qui va rapidement alerter Colbert, le ministre des Finances de Louis XIV. Et donc Colbert se dit, très bien, on a essayé d'interdire l'import des dentelles étrangères, on n'a pas réussi. On a aussi essayé de limiter le luxe dans le costume, ça n'a pas marché. Eh ben, soyons plus intelligents que ça, on va créer des manufactures royales dans lesquelles on va produire une dentelle capable de rivaliser avec les productions italiennes et belges. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'on va développer le savoir-faire de la dentelle à la française sur le territoire. Il y a quand même un mystère, parce que de l'Italie à ici, c'est très loin. Pourquoi ça tombe dans la vallée d'Alençon, dans ce pays normand ? C'est loin d'être par hasard parce que on avait une main d'œuvre sur le territoire qualifiée, capable de se mettre très rapidement au travail pour produire une dentelle d'excellence. Je vous propose que vous nous ameniez au moment de l'apogée, au moment où ici, dans toute la vallée, c'est le grand moment de la dentelle d'Alençon. Donc là, on fait un saut de combien de temps ? Alors, Déjà, on va faire une première étape à la fin du XVIIe siècle. On produit ici un point de dentelle à l'aiguille qui s'appelle le point de France et qui est déjà un état de raffinement très élaboré. C'est la pièce que vous avez là sous les yeux. Alors, ce qui devient très caractéristique, c'est qu'entre chaque entrelac végétal, entre chaque motif, les dentelières viennent apposer des brides qui relient chaque motif sur lesquelles elles viennent ajouter des picots comme des petites dents. Et c'est vraiment cette bride picotée qui fait la spécificité de la dentelle produite à Alençon à la fin du XVIIe siècle. Et maintenant, à l'étranger, on veut du point de France. Donc le pari de Colbert, il est assez vite gagné. Elle fréquente l'atelier et les dentelières depuis son premier master jusqu'à sa thèse en cours. Isabelle ouvre son ordinateur sur une image. Ça, je peux passer l'après-midi à parler de dentelle, ça, y a pas de souci. C'est une archive que je vous présente. Donc c'est une archive de l'association de la dentelle au point d'Alençon. Celle-là, ça doit être la maison Demel et Foy. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'était l'envers de ces motifs. Et si on zoome, c'est des parchemins qui ont été piqués. Donc là, on voit bien tous les petits trous issus du piquage. Et en fait, le piquage, donc c'est les étapes, on va dire, préparatoires au travail du point d'Alençon. Et ça paraît simple. Enfin, faire du trou. Sauf que sur ce motif-là, on a 3100 trous sur un motif qui est grand comme ça. C'est un premier pas pour comprendre l'ampleur du point d'Alençon, enfin la spécificité technique, la beauté technique, je ne sais pas comment on peut vraiment dire ça, mais ça commence dès les étapes qui finalement paraissent le plus simple, enfin, faire des trous, c'est pas compliqué. Et c'est qu'une étape. Et je me dis, mais elles font comment ces femmes des campagnes qui travaillent 14 heures par jour? Il n'y a pas d'électricité. Et c'est en fait par le spectre de la technique. Vous essayez d'imaginer comment les femmes vraiment elles vivent, elles travaillent, et est-ce que ça leur apporte au final? Est-ce que c'est un métier qui est rentable? Dans l'économie domestique, c'est souvent, bon voilà, on fait des travaux d'aiguille en plus. Là, c'est un métier à part entière. Parce que la dentelle au point d'Alençon, elle est magnifique, elle est très technique, elle a fait le tour du monde. Mais souvent, on ne parle pas des femmes qui la façonnent. Parce qu'on a très peu de documents qui nous les citent. Aujourd'hui, on est quand même, je pense, on sera en peine de savoir combien de femmes, depuis la création du point d'Alençon, en ont fait. Ou de moins de donner une fourchette. Sauf que c'est justement, c'est ce passage de génération en génération, c'est ce passage de femme en femme qui fait qu'aujourd'hui, on l'a encore. C'est le fil de l'aiguille qui nous mène. On est impuissant face à ce bout de fil, et cette aiguille qui nous mène... une vie très difficile. Et on réussit quelque chose avec ce petit bout de fil et cette aiguille, alors qu'au début, on est complètement excédé parce qu'entre nos mains, c'est tout petit. Ça apprend l'humilité. Et donc, on n'a pas du tout envie d'être mis en évidence. À l'âge d'or dont on vient de parler, là, la fin du XVIIe siècle, les sources nous permettent de penser qu'on est entre 8000 et 10 000 dentelières réparties sur le territoire. Et pour la plupart d'entre elles, elles travaillent à domicile. Et donc c'est la dentelle qui passe de main en main et de village en village pour progressivement prendre corps. Puisqu'à l'époque, les dentelières connaissent une ou deux étapes du travail. On peut considérer qu'il faut... 10-12 étapes pour faire la dentelle au point d'Alençon, donc c'est au moins autant d'ouvrières à intervenir sur les pièces et éventuellement de villages à traverser parce que progressivement les villages se spécialisent et donc il faut aller par exemple à Damigny pour venir ornementer la dentelle. Ça correspond à une réalité de territoire qui est beaucoup plus large que ce qu'on peut entendre quand on dit point d'Alençon. Oui, mais alors il y a quand même un prix à payer, c'est que finalement il y a très peu de personnes connaissent l'ensemble des opérations, qui savent les faire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un péril ? Au contraire, il y avait un vrai enjeu. Ça permettait de conserver le secret de fabrication. Là aussi, hein, on est dans des enjeux. Parce qu'il y avait un secret. Tout à fait. Moins vous aviez de dentelières capables de tout produire et plus vous évitiez la fuite du secret de fabrication vers l'étranger. C'est rentable. Alors, les sources, là aussi, nous permettent de penser qu'une ouvrière gagne relativement bien sa vie. Elle commence à travailler des fois à 5-6 ans. Elle commence sur des étapes plus simples de la chaîne opératoire. Et puis pour les meilleures d'entre elles, elles peuvent même devenir maîtresses dentelières. Donc les maîtresses dentelières, elles connaissent toute la chaîne opératoire. Elles sont capables de faire les assemblages, de les livrer comme ça, dans leur meilleur état d'excellence, aux grands magasins parisiens. Mais c'est une poignée d'entre elles, évidemment. Les ouvrières qui travaillent essentiellement à la production de dentelles, on sait par les sources, là aussi, qu'elles deviennent aveugles, souvent très jeunes, hein, autour de 30 ans, 35 ans, parce qu'elles travaillent parfois 16 heures par jour dans des conditions qui ne sont pas favorables, hein, pour ce genre de métier, qui engendre une fatigue oculaire énorme. Donc c'est vrai que les conditions de travail sont quand même difficiles. Gilonne, montre-moi ton dos. Maîtresse Lescure savait de ruineuses expériences que les petites filles dont les parents voulaient faire des dentelières, il en pataugeait dans les ruisseaux des rues à empêcher de plein panier, et que dans cette multitude, il fallait choisir bien. Celles qui paraissaient présenter des dons certains pouvaient tout gâcher par un défaut de caractère ou de constitution. Le dos était bon. Eh bien, puisque tu vas apprendre le métier, nous allons voir ce que tu sais en voir. Bonjour madame, quelle heure est-il ? Midi et demi. Qui vous l'a dit ? La petite souris qui fait de la dentelle pour les belles dames de Paris. Est-ce aussi pour les belles dames de Paris que, comme dans cette vieille comptine, vous brodez Sœur Marie du Sacré-Cœur ce point d'Alençon qu'on a appelé justement merveille de l'art français ? Nous vendons de la dentelle aux belles dames de Paris lorsqu'elles viennent à l'école dentelière. ORTF, 1964. Mais reine des dentelles, dentelle des reines, qu'est-ce ma sœur que le point d'Alençon ? Le point d'Alençon est une dentelle entièrement et uniquement faite à l'aiguille, à Alençon même, avec un fil de lin d'une extrême finesse, une toute petite aiguille à coudre et un parchemin préparé tout exprès. Et faite en musique. Et faite en musique, oui madame. Pourquoi cette musique, ma sœur ? Parce que la belle musique... favorise l'éclosion des bonnes inspirations. Quelle musique choisissez-vous ? Bach, Handel, Mozart, Beethoven, Vivaldi, suivant le goût du jour. Comment vous êtes devenue dentelière, vous, Bénédicte ? Un jour, à la télé, FR3 Normandie, est passée la religieuse qui était directrice à l'époque, Madame Sœur Marie du Sacré-Cœur. Et elle expliquait toutes les étapes du point d'Alençon. Et là, j'ai eu le coup de foudre pour ce métier. Donc, je suis rentrée l'année suivante, l'année de mes 17 ans, en apprentissage. Les conditions étaient beaucoup plus dures à l'époque, parce que là, on était silence imposé. Et on avait des chaises en bois, c'était pas évident quand on arrive... On sort de l'école où il y avait une certaine liberté, et puis là, on retrouve un peu, on se trouve un peu comme dans un couvent. Il y a eu des moments de déprime, des moments où on n'y arrive pas. Mais le métier me passionnait, et donc j'ai tenu. Un morceau de toile ceinturait la fillette, entourant à la fois sa taille et les barreaux de sa chaise. Ne pleure plus, ça ne sert à rien, et on ne peut pas gémir pendant 3 ans. On enviait les enfants qui étaient pris en pension chez Demoiselle Lescure, et aussi les ouvrières qui y venaient faire du point dès 4 heures du matin en été, 5 l'hiver. Elles arrivaient la lanterne à la main, et repartaient de même, 18 heures plus tard. Thank you. Vous voyez, là, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais je vous ai amené le livre de Despierres, parce que c'est quand même ça la base de mon master et donc de ma thèse. Donc vous avez sur la fabrication, sur les origines. Et puis vous avez ça. Je vous montre la première page. Vous avez le dictionnaire des noms des marchands et des fabricants de poids d'Alençon. Et donc jusqu'à la fin de l'ouvrage, c'est que des noms. Mais je me dis, c'est dingue. Il y en a quand même 2000 noms et on n'en fait rien. Madeleine Agesson, Françoise Allard, Gabrielle Chevalier, Catherine Duval. Voilà, vous en avez énormément. Et c'est le caractère très ordinaire de ces femmes qui font quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, si je prends juste la notice sur Zélie, donc Guérin. Donc Guérin, Zélie Marie, fabricante de points, mariée à Louis Martin, horloger. Elle était factrice pour la maison Pigache, eut une médaille d'argent à l'exposition de 1858 à Alençon, puis travailla pour son compte. On n'a que ça dans la notice. Vous voyez qu'il y a beaucoup à rajouter. Et ça, il y en a des centaines d'exemples comme ça. Il y a des femmes formidables dans cette histoire de la dentelle. Il y en a une dont on n'a pas parlé quand même, c'est Zélie. Qui est Zélie ? Alors, Zélie Guérin, qui devient Zélie Martin, est la mère de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et Madame Martin était une femme chef d'entreprise. C'est pas anodin ça non plus, au 19e siècle. Et elle est fabricante, marchande de points d'Alençon. Ce qui est intéressant avec l'activité dentelière, c'est une des industries dans laquelle, rapidement, au 18e, les femmes sont des chefs d'entreprise. Ah bon ? Tout à fait. Elles sont pas couvrières ? Elles sont pas couvrières, non. Et les femmes occupent des postes tout à fait considérables et sont à l'origine d'une production économique énorme. Parce que je pense qu'on peut lire le texte. Oui. C'est le frais le dentelle, le zoocorsage. On peut refaire le troisième et le dernier refrain. Non, mais il n'y a pas la liaison zoocorsage. Frais le dentelle, zoocorsage. Attends. Bon, alors la catastrophe, elle arrive comment ? La force de la dentelle d'Alençon et son grand désespoir dans le même temps, c'est qu'on n'a pas su mécaniser le point d'Alençon. À la fin du 19e aussi, vraiment au moment où la technique est la plus aboutie, on vient créer pratiquement du travail d'aquarelliste dans la dentelle. On a un procédé qui crée des jeux d'ombre et de lumière. Donc là, on est vraiment dans de la poésie de fil. Ça, la machine n'a pas réussi à le faire. Et puis c'est vrai qu'après la Première Guerre mondiale, c'en est fini de la dentelle dans le costume. Mais il était important de conserver ce geste unique au monde qui a permis de produire la dentelle la plus fine du monde, qui avait été sacrée reine des dentelles à la première exposition universelle à Londres en 1851. En 1976, là c'est l'État, c'est les pouvoirs publics qui se mobilisent et qui crée un atelier national du point d'Alençon qui est rattaché au mobilier national. Et ça fait 40 ans maintenant que les dentelières de l'atelier national conservent, transmettent. Et il paraît aussi que toutes les tentatives pour dessiner, faire des méthodes, des schémas ont échoué. C'est vrai que l'apprentissage de la dentelle se fait que par ce rapport maître-élève au sein de l'atelier. On n'a pas été capable de décrire, de faire un précis méthodologique. Il y a des schémas, il y a des petites choses, mais ça ne vous fait pas un manuel de la dentelle au point d'Alençon de A à Z. Ça n'existe pas. C'est certainement justement aussi cette difficulté, le côté un peu mystérieux, si on veut, de l'apprentissage, qui a motivé l'inscription du savoir-faire de la dentelle au point d'Alençon sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. C'est pas bavard, une dentelière. Non. Est-ce que vous vous posez de temps en temps, vous, la question, mais pourquoi on continue, hein ? Pour moi, c'est important, en fait. Ça fait partie de notre patrimoine. y a eu un coup de foudre et puis ben voilà, c'est mon travail et c'est plus qu'un travail, c'est maintenant une passion. Donc, ça me plaît. C'est le temps qui s'arrête quand on entre à l'atelier, quoi. Moi, quand je fais ma dentelle, ouais, pour moi, le temps s'arrête. On travaille, mais c'est une coupure dans le temps. C'est même une chance de prendre le temps de faire bien les choses. Moi, je me sens très chanceuse. Actuellement, nous travaillons sur le projet de Madame de Gouël qui est le tapis de Freud. Donc, c'est un tapis qui fait environ 70 cm sur une quarantaine de centimètres. Nous le faisons par étapes, il y a 9 étapes, et nous arrivons presque à la fin. Ça fait 5 ans qu'on travaille dessus, on a déjà plus de 10 000 heures. Pourquoi le tapis de Freud ? L'artiste est allé à Londres visiter l'appartement où était Freud, docteur Freud. Et sur le divan, il y avait ce tapis. Donc, elle l'a redessiné. On voit notre dentelle qui se met en place, qui prend forme, qui prend ses reliefs. Et puis, au final, quand on entend la lame de rasoir qui coupe les fils entre les deux toiles, ah, là, on se dit, ça y est, là. Voilà, ça y est, elle s'envole, quoi. C'est vraiment le papillon qui sort, donc hop. Puis après, voilà, elle va faire sa petite vie. L'artiste vous a donné des explications, Bénédicte ? Oui, donc elle nous a expliqué que ce tapis, ça partait de la terre en bas, avec les bassins et les jardins au milieu, et ça va vers le ciel. Donc on l'a fait beaucoup plus blanc en bas, et on va de plus en plus léger vers le ciel. Combien de temps déjà de travail ? À tout, on est déjà à plus de 10 000 heures. Donc on doit être à peu près 10 200 heures. C'est énorme pour aujourd'hui, parce qu'on n'est pas nombreuses. Mais autrefois, où il y avait peut-être 8 000 dentelières dans la région, où les dentelles se passaient de dentelière en dentelière, il y avait des voiles de mariée qui se faisaient, il y avait des grands métrages de faits. Ce qui est écrit, c'est un rêve dans un tapis. C'était dans le cabinet de travail du docteur Freud. Donc voilà, avec son divan et le tapis dessus, et elles sont rongées dessus, je suppose. Elles racontaient leurs rêves ? Je suppose, oui. Avec Bénédicte, Valérie, Dominique et les dentelières de l'Atelier national du Point d'Alençon, Johanna Mauboussin, conservatrice du Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle de la ville d'Alençon. Isabelle Yvon, historienne. Témoignage de dentelière collectée par Yann Le Borgne, ethnologue. Extrait du roman La dentelière d'Alençon de Janine Montupet. Lecture Nathalie Canoui. Prise de son Yann Fressy. Mixage Delphine Baudet. Coordination Christine Bernard. C'était une histoire, histoire de filles et de femmes, dentelières de la mémoire, un documentaire de Franck Cuvelier réalisé par Véronique Samouilov. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain, où nous prendrons pleinement la mesure du mot « supplice ». Vous pouvez découvrir la bande-annonce du documentaire du week-end prochain sur la page du site d'une histoire particulière. Mais c'est une autre histoire.